Mon français était meilleur quand j'étais plus jeune. Je le perds un peu maintenant. Mais je ne parle pas avec un accent québécois, alors au moins, ça c'est bon. Sa verve, ni son toupet, ni son ego ne souffrent d'austérité. Vraiment, notre animateur ferait un bien mauvais budget libéral. Accueillons Monsieur Jean-Philippe Bourque! Hey! Dieu. Moi, je pense que les gens applaudissent parce qu'ils savent que c'est la dernière fois que Jean Gagnon réalise notre émission. Ah, ça doit être ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'il mérite une bonne main d'applaudissements. Écoutez, encore, ben oui, voyons. Ouais. Hey. Ah ouais. Un pionnier de la radio. Ah. Hey, bonsoir tout le monde. Il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous laisser amplement le temps de nous remettre du débarquement de Normandie. Fred Savard, bonsoir. Il me semble qu'on s'en est remis du débarquement. Ça fait 70 ans que c'est fini. Ben voyons donc. Ben non, oui. C'était pas aujourd'hui, il me semble que... Ben non, on commémorait il y a 70 ans. Mais ah! Me disais aussi, je voyais nos soldats sur les plages, je me disais, tabarchak, on est pas grillés. Commence à être vieux. Ben là, c'est en 44, c'est pour ça. Là, ah! Mais ça me semblait aussi, j'ai voyé, elle me disait, tabarchak, faudrait pas qu'on se fasse... Mais non. Des vétérans. Ce serait pas long? Cool, Lynn, OK. Fait qu'il y a pas eu de débarque cette semaine. Ben oui, il y a eu le budget libéral. Là. Ah! Le budget, hey, méchant débat, hein? Hey, ça fait mal. Non. Hey, moi, ils me ramassent sur l'alcool, là, ça n'a pas de bon sens. Ah ouais? Ah, ils vont m'égorger. Ah ouais, c'est pas non. Hey, non. Ah non, mais au moins, vous n'êtes pas un fumeur. Non, ça c'est vrai. Hey, parce que eux autres. Hey, non, mais les fumeurs, ils se font ramasser pour un gain. Un peu 50 cents du paquet. Ouais. Hey, c'est pas rien, ça. Bon, dire, comment ça fait cher, pogner l'emphysème? Non, j'avoue. Ben, j'espère qu'il n'y a pas trop de monde qui va arrêter de fumer parce qu'on balancera pas, là. Ah, c'est ça l'affaire. On va pas arriver. Non, mais moi, j'ai prévu le coup, hein. Ah ouais? Ah ouais, j'ai offert un carton de cigarette à mon neveu. Ah ben oui. 8 ans. Ouais. Regarde, chacun doit faire sa part. C'est vrai. Ouais, non, mais il faut penser à notre génération. Hey, on n'a pas de pension, moi, là. Donc, moi, j'ai pas de fonds de pension. Non, fumez. Regarde. Ah oui, go. Ça, je te dis. Sinon, quoi d'autre? Il y a les garderies aussi qui vont augmenter de 30 cents par jour. Ouais. Hey, ça, c'est 1,50$ par semaine. Hein. C'est un petit café chez Tim. Oui, un petit. Le moyen est à 1,70$. Ouais. Ouais. Non. La prochaine. Hey, moi qui pensais envoyer mon enfant en garderie pendant 20 ans, ouais. C'est un pensez-y bien. Ah, hein? Ouais, on va être pogné, vous l'élevez. Ouais. Va falloir que votre épouse mette une croix sur sa carrière. Bah, faut faire des choix, ça lève pas tout seul, un enfant. Mais non. Eh hey boy. Hey, parlant de niaisage, il y a le conseil du statut de la femme qui. Oh. Ça a pris du temps. Ouais, ben. Mais ils ont réagi. Ils ont arrivé. J'ai bien fait d'attendre. Alors, parlant de niaiserie, il y a le conseil du statut de la femme qui aimerait que les conjoints de fait aient les mêmes droits que les personnes mariées. Hey. Ça, les conjoints de fait, c'est ceux qui sont à côté. Ça. C'est eux-là. Ah ouais, OK. Hey, non, mais il y a une raison pourquoi on se marie pas. Ben oui. Hein? Donc, supposons que je sors avec ma blonde pendant 6 mois, là. Alors, partir avec mon fonds de pension. Ben oui. Voyons donc. Surtout qu'elle a plus de carrière, elle, là, votre enfant. Ben, c'est ça, mais là. C'est un choix qu'elle a fait. Voyons donc. Hey, sinon, dure semaine pour nos écoliers. On a appris que les examens du ministère vont être recorrigés par des fonctionnaires parce que les résultats actuels sont trop bas. Hein? C'est pas pire, ça. Pourquoi les élèves s'auto-corrigent pas? Mais ça, ce serait plus simple, ça coûterait moins cher. Moi, voulez-vous vous dire, j'en ferais pas passer l'examen. Non, hein? Je donne 90 à tout le monde. Ouais. Puis les petits tatous en avance, hein? Oui, 100%. On peut pas faire ça ici à Radio-Canada pour les journalistes sportifs, là, au lieu de. Ouais. Ils font ça, mais à l'envers. Ah oui? Ouais. Ah. Et au ministère, ils veulent que tout le monde passe. Ici, je pense qu'ils veulent pas que tout le monde passe. Ah ouais? Ouais c'est... tout le monde passe au chômage. Ouais, en tout cas, mais gars, on va. Juste changer de sujet, question qu'on passe pas au chômage aussi. Hein? C'est vrai. Bon, OK. Sinon, quoi d'autre? On a beaucoup entendu parler de Nathalie Normando cette semaine à la Commission Charbonneau. Oui. Ah, il paraît qu'elle aurait utilisé son pouvoir discrétionnaire pour booster 32 subventions. Ah ouais. Ah, c'est pas rien, ça. Ah, discrétion lousse, pas mal. Entre vous et moi, pas juste ça. Ben là, franchement, c'est sa vie privée, ça. Non! C'est discrétionnaire! Non, je fais. Ben non, voyons donc. Je parlais de son éthique aussi. Elle a l'éthique lousse. Ah ouais. Moi, je vais vous dire, je suis tanné de cette commission-là. C'est juste du négatif. On ouvre la télé, juste du négatif. Tout le temps. Pas faux. Tanné de ça. Non, c'est pas faux. Non, c'est pas faux. Je pense qu'il faudrait aborder le positif à un moment donné. Oui. Hein? On a-tu le temps, là? Non, je pense pas, non. Là, ça file le temps. Là, ah, c'est ça. Hein? Ah, ouais. Bon, on se reprend bientôt. Sans faute. OK, excellent. Faute. Sinon, ben écoutez, c'est enfin le Grand Prix. Le week-end du Grand Prix. Hein? Êtes-vous fébrile, Fred? Hey, Colin! Hey, ça, c'est des bonnes nouvelles. Hein? Hey, ça, là, qu'est-ce qui vous excite dans le Grand Prix, Fred? Les retombées. Ah, ben oui. Mais vous en avez de même jusque dans Rosemont. Ah ouais, écoutez, non. C'est pas des blagues. Le lundi matin, là, ouais. Je me réveille, là, je sors dehors, là, je me penche, puis je prends ça à grande poignée sur mon balcon. Là. Les retombées? Ah oui, oui. Ah ouais. Je me mets le nez dedans, là, je lance en l'air, ça retombe, écoute, c'est incroyable. Pis on a pour 10 ans de ça. C'est fini, je le sais. Hey, ça, là... T'es cœur à ça. À appelter. Ah, non, non, non. Ah. Ah, c'est juste du bon, ça. Ah, ouais, ouais. Hey, on a deux extraordinaires invités ce soir. Ah, on reçoit tout d'abord la grande Christiane Charrette. Très, très heureux de la savoir. La deuxième fois, ouais. Hein? On est très contents. J'ai pas regardé la nouvelle mouture du 125 Rachel, là. Est-ce qu'il y a encore le poteau en plein milieu de la TV? Non, ils l'ont réparé. Ah ouais, ils l'ont envoyé au NPD. Ah, voilà. Il paraît qu'il est beaucoup plus heureux là-bas. Ah ouais. Sinon, on reçoit également le chef par intérim du Parti québécois, Stéphane Bédard. Oui. Ben oui. J'ai pas regardé la nouvelle mouture du PQ. Est-ce qu'ils l'ont réparé? Eh boy. Je pense pas qu'ils ont eu le temps, mais on va y demander. La soirée est encore jeune, Fred. Hey, Seigneur Dieu! Olivier! Oui, salut! Les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, facebook.com/lasoirée est encore jeune, et sur notre site radio-canada.ca/lasoirée, où ils pourront lire un extrait d'une chronique de l'ancien ministre péquiste Jacques Brassard qui qualifie les environnementalistes de pétrophobes verdoyants. Eh hey boy! Je pense qu'en verdeur puis environnementaire, ils viennent d'être détrônés, là, hein? Qu'est-ce qui s'est passé avec Jacques Brassard? Passé? Je sais pas. Parce qu'à un moment donné, il me semble qu'il y avait un peu d'allure, puis là, c'est comme. Pow! Je sais pas. Ça doit être le débarquement de Normandie. OK. On passe au courrier des auditeurs. Oui. OK. Ben d'abord, Céline Equet demande, allez-vous revenir vers une émission plus politique et dérangeante ou vous laisser absorber vers le centre mou du talk show insignifiant? Mais on se voit son problème. C'est hein? Tellement confortable, mou, quand même. Là. Puis c'était quand même trippant avec Shirley Theroux, non? Ben oui. Hein? Vous avez vu des choses. Ben drôle comme ben un oui, ben oui. Voyons donc. Sinon, Sam Chauvette nous dit « Salut les garçons, s'il vous plaît, pas trop d'entrevues culture kitsch comme avec Shirley Theroux. Pour la première fois cette fois-là, j'ai baissé le volume et j'ai jasé avec ma voisine au lieu d'écouter. S'il vous plaît, demeurez un show intelligent et irrévérencieux. » Ben voyons donc! OK, on va rester irrévérencieux et intelligent. On n'invitera plus Shirley Theroux puis on parlera plus de sujets puérils comme les cheveux de notre animateur. Bon. Là, c'est promis. Hein? Dernière question de Maxime Gag. Est-ce que Jean-Philippe Vautier a des suggestions pour une coupe de cheveux estivale? Ben là. Ah, ben Jean-Philippe, les cheveux l'été, on fait quoi avec ça? Oui, mais décidez-vous, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On se les peigne. Oui, on se met niaiseux, ça, franchement. Ben là. Hey. C'est plus ce que c'était, cette émission-là. Non, en fait, voulez-vous. C'est nos auditeurs qui sont plus ce qu'ils étaient. Voyons donc. Hey, on va les rejoindre Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien? Allô, bonjour Jean-Philippe. Comment allez-vous aujourd'hui? Ça va bien. Quoi de neuf, mon bel ami? Ben, vous connaissez évidemment la grosse nouvelle de la semaine, Jean-Philippe. Ah, vous êtes à Moncton avec Céline Galipeul? Non, je vous parle de la vraie grosse nouvelle de la semaine, celle parue dans la presse. Paraît, Jean-Philippe, que les jeunes ne veulent plus rien savoir de ça, la souveraineté. Ah, c'était écœurant, ça. L'enfer. Mais, attention, je ne suis pas certain que ce soit vrai, ce Jean-Philippe. Alors aussi, j'ai voulu vérifier. Mm-hmm. Alors, toute la semaine, j'ai lancé des appels partout à travers la province pour trouver des jeunes souverainistes qui pourraient venir ici, aujourd'hui, témoigner à l'émission, qui sont attachés à ce beau projet de société. C'est une très, très bonne idée. Vous en avez trouvé, oui. Jean-Sébastien? Ben, une seule personne, en fait. Ah, mon Dieu. C'est mort, pas pour rire, hein? Oui, mais c'est quand même une jeune souverainiste qui semble très solide et très confiante. Elle est avec moi aujourd'hui. Elle s'appelle Joséphine Bernard. Ouais. Alors, Joséphine, pourquoi être souverainiste en 2014? Évidemment, par cette question, je vous demande par ricochet, mm-hmm. ça signifie quoi exactement la souveraineté dans le contexte de la mondialisation? Ben oui. C'est quoi le rôle de l'État moderne? C'est quoi l'identité québécoise, Joséphine? Vous avez rien compris. C'est pas avec une génération comme ça qu'on va aller loin, mon père Philippe. Hein? Oui, mais à quel âge, Jean-Sébastien? Ah, bonne question. Attendez, vous avez quel âge, Joséphine? J'ai 4 ans. Ben oui, mais là... Tu veux dire, oui, mais on parle de jeunes souverainistes. Jean-Philippe, c'est la seule qui s'est manifestée cette semaine. Ben oui, mais là, continue à chercher, Jean-Sébastien. Franchement, c'est bien niaiseux, ça. Oui, mais là, vous prenez un peu à la dernière minute. Attendez, Frédéric? Oui, mon brave? Bon, vous avez un fils de 9 ans. Est-ce que lui pourrait venir témoigner à l'émission? Ah, non, non, moi, mon fils est ultra fédéraliste. Tous ses pyjamas sont rouges. Ah, ouais. Bon. Okay. Olivier? Oui. Bon, est-ce que vos enfants sont souverainistes, vous? Non, non, mon plus jeune de 4 ans, il est crypto-fasciste. OK. Puis mon plus vieux, ben, il a 6 ans, puis il est orphelin politique depuis les dernières élections. Là. c'est plus trop. Mais ça, c'est une tendance qui est de plus en plus fréquente. Hein, OK. Mais là, il va falloir trouver Jean-Sébastien sans blague, hein, parce qu'on ne fera pas trois... Alors, je vais relancer un appel à tous encore une fois. Alors, si vous êtes jeune, si vous avez moins de 30 ans, si vous êtes souverainiste, vous venez me rejoindre ici à la réception de Radio-Canada. On a envie ici à l'émission de vous entendre. OK. Ben, notre premier invité, Fred. C'est son deuxième passage à l'émission et on l'adore. C'est une grande animatrice qui pourrait bien en montrer un peu à vous, Vautier. Accueillons Mme Christiane Charrette! Comment ça va? Ça va bien. Vous arrivez avec votre sac à main? 125 Marianne. Ah! Ben oui, mais il faut que je sois prête à tout. J'ai au cas où je voudrais boire de l'eau. Est-ce que c'est parce que vous aviez peur de vous faire voler parce qu'il y a plein de jeunes ici? Non, j'aurais pas pensé à ça, mais tout à coup, tu me poses une question, vous j'allais chercher sur une feuille la réponse. Ah, quel genre de question, ça? Ben, je sais pas. Qu'est-ce qu'on va recevoir à l'émission? Puis là, j'oublierais, tu sais, j'irais dans ma mémoire, puis j'oublierais qui vous allez recevoir? Que c'est Steffi Choc qui chante une chanson en primeur, par exemple, ça serait triste que j'oublie de dire c'est ça. C'est vrai, vous avez des performances au 125 Marianne? Absolument pas, Rachel. Non, je sais, je suis désolée. Ça serait pas beau comme titre 125, Rachel. Ben, ça serait mêlant parce qu'en même temps, c'est même pas là que vous habitez. Fait que... Non, en plus. Ça serait mieux. J'habite même pas au 125. Les gens sont surpris. Non. Ben oui. Les gens du 125, Rachel, seraient surpris en tabarouette. Comment ça va, Christiane Charrette? Ça va très bien. On est très heureux de vous savoir. Vous savez qu'on vous aime beaucoup. Hein? Oui, c'est ça. Ça fait deux émissions de suite là, que vous faites. Là. Vous êtes rendu à votre troisième dimanche. Vous poursuivez jusqu'à la fin août. C'est plus d'épisodes que l'année dernière. C'est 5 de plus. C'est 15 épisodes cette année. Pourquoi avoir choisi d'en faire encore plus cette année? Ben ça, faut le demander à Dominique Chaloux. C'est elle qui nous l'a. Oui, oui, c'est une proposition. La boss de Télé-Québec. Là, qui... penses-tu qu'on choisit le nombre de... Choisis-tu, toi, le nombre d'épisodes que tu vas avoir? Non. Ben non. Mais non, si on nous le demande, on nous le propose, puis nous, on dit oui! Parce que Christiane préfère en faire 15 plutôt que 10, plutôt que moins. Ben oui, moi, j'étais très contente qu'elle nous en offre 15, totalement, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'elle aime le plus, Christiane, faire de la télé ou de la radio? Parce que là, je sais qu'on c'est une saison d'été, hein, donc il y a moins d'épisodes qu'une saison d'hiver puis une saison d'automne. On a l'impression que c'est un peu un aparté. Hein, c'est Christiane l'été en attendant quelque chose. Est-ce que la télé, c'est le dernier endroit où on va voir Christiane ou est-ce qu'elle va refaire de la radio? Je ne sais pas, parce que quand j'ai fait de la radio, je pensais vraiment, puis je ne voulais pas refaire de télé. Puis moi, j'avais vraiment décidé que je ne ferais plus de télé. Je ne m'attendais pas à me retrouver à la télévision. J'étais très surprise, j'ai eu beaucoup de réticence. Là, je suis à la télé, je suis ravie d'être à la télé, vraiment. Mais j'aurais Télé-Québec, jamais c'est cru... un peu comme de la radio quasiment. Là. Oh, franchement, c'est pas vrai. C'est pas vrai, je te jure. Il y a quelque chose. D'abord, les gens de Télé-Québec, il y a beaucoup de gens de Radio-Canada. On sent terrain de connaissance. Tout à fait. Tout à l'heure, Jean Gagnon parlait d'une certaine liberté et tout ça, puis il parlait de la radio communautaire, la radio publique qui était un dernier bastion de la liberté. Avant la mise en mais moi, j'écoutais ça, puis je me disais, il y a ça à Télé-Québec c'est aussi. C'est vrai qu'on a ça, la liberté. Quelque chose. Ouais. Oui, on est bien à Télé-Québec. T'es là, toi aussi. Ben oui! Non, je me trouve très chanceuse, vraiment. Mais je suis étonnée, pour répondre à ta question, est-ce que je vais refaire de la radio un jour? Je ne sais pas, j'espère. Si tu m'avais dit ce que je vais refaire de la télé, j'aurais dit j'espère que non. Puis là, je suis contente d'en faire. Puis je répondrais pour la radio, oui, j'espère que j'en ferai un jour. Mais là, pour l'instant, je suis parfaitement ravie d'être là. Ben vraiment. Ben, ça nous amène à un sujet franchement intéressant, c'est-à-dire notre saison l'automne prochain, où est-ce que nous serons reconduits pour le samedi et le dimanche de 5 à 7, les samedis et le dimanche. Et là, je me disais, on a quand même 4 heures à remplir. Non, ben, puis je veux dire, Jean-Sébastien, il est drôle 3 fois 2 minutes, mais c'est je veux dire... C'est ça. Faudrait pas pousser notre luck non plus. Est-ce que vous seriez libre, vous, l'année prochaine, pour... Ben, je dis l'année prochaine, c'est dans 3 mois, là, pour faire un peu de radio avec nous? Supposons qu'on vous pose la question. Là. OK, qu'est-ce que j'aurais à faire? Ah, mon Dieu! C'est carte blanche, hein? Ben, carte blanche. Non, mais est-ce qu'il faudrait que j'écrive des segments, que je prépare, que je fasse des mises en scène? Ah, non, non. Que ce soit CG, admettons. Ah, ben non, mais non. Oui, parce mais que je sais pas à moi. Tout. Là, je dirais non. Je dirais, oui, j'aimerais ça me joindre à votre équipe, mais s'il faut que ce soit comme ce qu'ils font, par exemple, j'aurais pas le talent. Ce serait pas moi du tout. Vous l'avez si vous avez pas le temps. Si j'aurais le temps, j'aurais le temps. Mais non, mais carte blanche pour vrai? Ben oui, carte blanche pour vrai, évidemment. On vous donne 1 heure. Nous autres, on s'en va. Évidemment, ça serait de 18 à 19. Nous, on irait souper pendant ce temps-là. mais ce serait le fun de vous entendre à la radio, et pas nécessairement comme animatrice, dans la mesure où est-ce que ça serait un autre rôle pour Christiane Charrette. Okay. Est-ce que les gens seraient d'accord d'avoir Christiane Charrette? Alors, je pense qu'on peut appeler ça un contrat tacite. D'accord. Fait qu'on va discuter de ce que ça pourrait être. Oui. Okay, bah oui, génial, mais c'est ouvert. Hein. OK, c'est ouvert. C'est bon. Bon, mais ça peut être les meilleurs moments de 125 Marianne aussi, mais c'est un peu cheap quand même. Fait que ça pourrait être... Non, mais c'est... OK. Alors, parlons un peu de Christiane, l'animatrice. J'ai lu que Christiane avait peur de ne plus être sur la vague. Que j'avais peur de ne pas être sur le... Oui, tu sais, de ne pas être dans le moment. Ou non, de j'ai, ce que en fait, ce que je crains quand... C'est comme le, en fait, la métaphore, puis je ne pense pas être la seule à l'apprendre, là, mais la métaphore, surtout en direct, c'est un peu comme le surf. Moi, c'est celle qui me vient, puis je ne pense pas du tout être la seule personne mm-hmm. à l'utiliser, mais le surf, tu sais, quand tu es sur la vague, quand ouais. tu attrapes la vague, quand tu pars, puis là, les vagues s'enchaînent et tout, c'est clair que tu es à la bonne place. Ouais. Quand tu animes en direct, peut-être que quand c'est pas en direct, on le ressent moins parce qu'on peut le réparer au montage. Okay. Mais en direct, quand tout à coup, tu essaies d'attraper la vague, tu l'attrapes pas, tu tombes, tu recommences, tu le sens. Puis oui, j'aime pas ça du tout quand je suis en train d'animer une émission en direct puis que je sens que je suis pas sur la vague, qu'on n'est pas sur la vague. Est-ce que ça c'est arrivé récemment, ça? À Christiane, de ne pas être sur la vague? Ben oui, ça arrive, ça nous menace tout le temps. La première émission que j'ai faite, la première émission de cette saison-ci, moi, personnellement, la télévision, j'ai un rapport un peu problématique avec ça. Tu sais, j'adore en faire, j'adore produire à la télé, j'aime animer, j'aime quand ça va bien après, mais c'est pas si facile que ça pour moi d'aller en onde. À la radio, c'est plus facile. À la télé, j'ai plus d'appréhension. Puis la première saison, c'était un retour après, dans un ouais. nouveau décor, dans un nouveau... Bon, les choses étaient différentes. Je suis toujours un petit peu... Je m'habitue pas tout de suite. Alors, quand c'est parti, j'étais pas sur la vague. Tu sais, puis là, je le sais. Puis là, j'aurais tellement voulu, tu sais. Quand c'est ça, à un moment donné, je pensais qu'il y avait une pause, pour ceux qui l'auraient vu. Ah oui, ben oui, je pensais qu'il y avait une pause publicitaire. Je me suis dit, oh, je vais me recentrer, tu sais. Oups, je vais en profiter pendant la pause. Pour juste, ben oui. Mais c'était pas une pause. Ah, les mots. Non, c'était pas une pause. J'avais tellement besoin de me recentrer. Mais c'est comme si tu tombais de la planche. Oui, c'est comme si tu tombes de la planche. Tu sais, puis là, tu voudrais tellement que tout arrête puis tu remontes sur la planche, mais il n'y avait pas la maudite pause. C'est ça qui est utile des fois de préenregistrer, tu sais. C'est que ça nous permet de remonter sur la planche. Oui, mais par contre, tu n'as jamais le feeling d'être en direct. Mais ici, là, parce que là, ici, on enregistre, on révèle là, quand même, oui. On est à la fin de la saison. Mais je veux dire, on enregistre vers 4h, 4h30, on est diffusé vers 7h. Oui. Hein? Fait que c'est presque sur la vague. Là. C'est oui, comme mais une c'est vague. Pas la même chose. Non. Être en direct, c'est être en direct. Comme là, on puis pourrait dire des choses plus pour en direct. Ah, ouais, c'est ça, là. Non, mais t'es encore plus en direct quand t'es en direct à la télé. Tu es en direct vraiment à la radio. Puis la radio, c'est quand même un média direct. Oui, on peut vous jouer dans le nez, personne le sait. Là. Non, mais c'est vrai que c'est moi, ça quand même. Je veux dire. Moi, je trouve ça formidable d'être en direct. Puis vraiment, il n'y a rien qui remplace ça. Qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? Ça nous stresse bien gros, le direct. Vous allez être en direct? Oui! Mais c'est la chose la plus facile. C'est pour ça qu'on a besoin de vous. Du là. Monde. Mais être en direct. Non, être en direct, tu peux être comme pas sur la vague comme je l'étais. Mais c'est pas grave parce que c'est vrai, parce que c'est là, parce que les gens qui t'écoutent sont en même temps que toi. Ouais. Tu parlais d'être fusionnel, t'es fusionnel avec les gens qui t'écoutent, même ceux que tu vois pas, même ceux qui sont chez eux. Il y a un feeling qu'on a seulement, qu'on est en direct, vous allez adorer ça. Vous serez plus capable de vous en passer. À ce point-là. T'sais, c'est pas arbitraire, comme là, je sais que vous aviez prévu de commencer à telle heure, mais c'est quand même arbitraire. Ben oui. Il serait arrivé quelque chose, vous auriez pu décaler de 5 minutes. Oui, non, je sais bien. Il y a toujours quelque bien. Chose de relatif quand on n'est pas en direct. Alors que quand on est en direct, on n'a pas le choix. Non, c'est on est dans une espèce absolue. Est-ce qu'il y a des conseils aux gens qui veulent faire du direct, là, que ce soit à la radio, à la télé ou même dans leur vie, hein, oui. Tu sais, je veux dire... il y a des gens qui vivent en différé, hein? Mais ça dépend de l'émission qu'on fait aussi. Il y a des émissions qui sont vraiment des émissions montées. Moi, j'ai fait Cabine C, je l'aurais pas fait en direct. C'est un autre concept. Le conseil que je donnerais aux gens qui font pas de direct, c'est d'en faire. Ah, mon Dieu, c'est un conseil. C'est niaiseux en salle, mais c'est une bonne... c'est un bon conseil. Fait qu'on va juste en faire. Oui. Est-ce qu'on a besoin de se préparer vraiment? Parce que, non, mais Fred est bien stressé parce que Fred travaille 2 heures par semaine. Et là, il se dit, tu sais, j'ai 4 heures à faire, est-ce qu'il va falloir que je travaille plus? Puis moi, j'ai dit, je pense que oui, mais est-ce qu'il faut être plus préparé quand on fait du direct? Plus préparé quand on fait du direct? Ouais. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Moi, je pense que ça prend de meilleure écoute. Ah, ce genre d'amis. Ça, on l'a inscrit à un atelier cet été. Mais c'est-à-dire que tout est plus intense quand t'es en direct. C'est ça. T'es plus... Est-ce qu'il faut prendre de la drogue? Et ça je suis ouvert écoute, à ça. À moins vraiment de vouloir faire une vraie expérimentation, moi, je dirais qu'il ne faut surtout pas en prendre. Ah, okay. À moins que tu veuilles essayer quelque chose. OK, je vais juste le prendre en note des pour être certain pour oublier. Des fois, je dirais que, tu sais, quand dans le temps, je ne sais pas, vous autres, vous avez de la bière sans gluten. Hey, mon Dieu, je n'ai pas offert. Personne m'en a offert. Mais c'est ça. Je trouverais ça bienvenu d'avoir une bière sans gluten. Je vous ouvre une bière sans gluten. Et vous savez, vu qu'on n'est pas en direct, on va monter ça comme si c'était au début de l'émission. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais c'est pour vous montrer toutes les possibilités qu'on a quand on... Bon. j'ai une dernière question. Je vous écoutais en mode salvaille et... Regarde le succès de Rick Salvaille. Je sais. C'est juste à dire le titre de son émission, il rit déjà. Oui, non, mais j'ai l'impression que eux autres, c'est plus subtil que ça. C'était comme un deuxième degré. Scal TV aussi, ça rit. Attends. Quand on dit Scal TV. Non, mais attends un peu. Là. Hey, peux-tu finir ma question? Ouais, peux-tu en poser en direct? Là, il serait mal pris. Ben, c'est ça. Là, tu vas voir, on va aux nouvelles. Hein? L'air d'un fin finaux, là. Bon, Amanda Salvaille, vous avez affirmé de faire une entrevue avec un singe. Oui, c'est vrai, totalement vrai, j'assume. Mais vous avez... Enfin, mon point étant, un singe, oui. Ça parle pas. Non, c'est ça le problème. Ah, c'est ça. Un peu okay. un problème. Je voulais juste savoir où est-ce qu'on en était là-dessus. Mais, okay. C'est parfait. C'est comme une image. C'est une image. Oui. Mais effectivement, il y a des singes qui communiquent quand même mieux que d'autres. Peut-être qu'il faudrait... Je sais pas. Avez-vous des noms? Peut-être que le direct serait pas la meilleure technique. Puis il y avait le fameux Coco, le gorille qui oui, parle. Hey, oui, qui, lui, écoute. Avait ses petits pitons, là. Puis tu pouvais quand même lui poser des questions, puis il répondait. Moi, j'aurais adoré être la personne qui lui pose des questions. Ça aurait fait l'événement. Puis, hein? Non, je serais intéressée à voir, mais tu sais, en même temps, quand je dis ça, c'est comme un rêve irréalisable, ben, peut-être. Mais vous dites ça, mais en même temps, vous avez carte blanche l'année prochaine dans notre émission de radio. Hein. Alors, vous invitez les singes que vous voulez. Oui. Écoute, j'en connais pas tellement, malheureusement. On a prévu un petit budget singe. Alors, peut-être pas un orang-outan, mais un bonono ou quelque chose comme ça, si ça devrait rentrer là-dedans. Oui. Puis moi, je vais être là, puis souvent, je communique moins bien qu'un singe. Il parle pas souvent, mais il est drôle comme un singe. Ouais. OK. Mais là, faut passer à d'autres choses, parce que là, il faut savoir Stéphane Bédard, mais il faut qu'il se dépêche. Hein. Faut qu'il soit... Il y a quelque chose à Drummondville plus tard. Bon, moi, il faut que je me déplace d'un siège. Hein? Mais pas tout de suite. Là. Ah, d'accord. Ah, non, j'en profite pour boire ma bière. Ben oui, on profite quand même ici un peu. Hey, vous savez qu'on peut plus se passer de Radiovision, hein, et de Jean Tienneul. On va l'écouter encore un peu. Écoutez le Radiovision, le 1430 AM. Jean Tienneul au microphone en compagnie de la toujours resplendissante Gladys, reine caribéenne. De la mise en onde, les boutons de notre console vétuste fondent sous tes charmes, belle Gladys. Vous m'entendez souvent me plaindre de notre console. C'est vrai, elle n'est pas aussi moderne que les nouveaux téléphones que les timounes s'échangent dans les cours d'école. C'est comme les nouveaux tableaux électroniques installés dans les écoles québécoises. Mais au moins, notre console, elle fonctionne. Vous avez certainement lu comme moi les déboires que connaissent les professeurs qui ont à travailler avec ces gros objets encombrants supposés aider nos jeunes élèves à étudier à l'ère de la modernité. Et pourtant, ça ne fonctionne pas. Gros écran, crac, crac, poubelle. Je sais pourquoi. C'est très simple. Les tableaux électroniques sont blancs. Voilà pourquoi ils ne fonctionnent pas. On a enlevé les bons vieux tableaux noirs. Et pourtant, tableau noir, pas vaudou. Mais le racisme rampant des bonzes du ministère de l'Éducation lui explose maintenant au visage. La vengeance est douce au cœur du Caribéen. Qu'on ramène les tableaux noirs dans les écoles, car quand le noir est au travail, la besogne est toujours bien faite. C'est bon à l'oreille. Hein? Jean-Sébastien! Ah, mais bonjour, Philippe. Alors, toujours, évidemment, à l'entrée de Radio-Canada, où je tente de trouver un jeune souverainiste, quand j'ai fait l'appel à tous tantôt. Malheureusement, il n'y en a pas encore un seul qui s'est présenté. Hein? Alors, je refais encore un appel à tous. Si vous êtes souverainiste, vous pouvez me rejoindre ici, à l'entrée de Radio-Canada. Je vous attends, évidemment, pour mes interventions. Ouais. OK. Ben, j'attends, là. Non, mais c'est ce que c'est... OK. Oh, attention, Jean-Philippe, il y a quelqu'un qui s'en vient, je pense. Attendez une petite seconde. Ah ben, il me semble que je le connais. Ben voyons donc! C'est encore ce bon vieux Léo Bureau Blouin qui t'avait dit, Jean-Philippe. Le dernier souverainiste de moins de 50 ans. Léo, comment ça va? Ça vient. Bonjour, Jean-Sébastien. J'ai répondu à l'appel. Ben, merci infiniment. Mais d'ailleurs, c'est ça ma question. Pourquoi répondre encore à l'appel? Quatrième fois, Léo, que tu viens ici répondre à mes questions, sachant que je vais rire de toi, évidemment. Pourquoi t'es encore là? Je veux dire, dis-moi pas que t'es en train de développer un petit kick sur moi, toujours. T'es pas en train de t'attacher, mon petit loup de mer. Écoute, Jean-Sébastien, en tout cas, moi, je pense que c'est plus toi que le croche. J'étais un peu mal à l'aise quand tu as liké ma photo de graduation 2008. Bon, Léo, on va parler de choses sérieuses, évidemment. On va parler de souveraineté. Hein, t'es le seul jeune qui s'intéresse à ça. Ben, j'ai une façon de parler. Mais dans quelques minutes seulement, parce que pour le moment, on va profiter de ta présence pour parler de ton actualité. Alors, on a appris que tu souhaites devenir le prochain chef de l'aile jeunesse du Parti québécois. Et là, il y a Fred Savard, ici à l'émission, qui se demandait il y a quelques semaines si tu faisais pas les choses à l'envers. Il dit... D'abord député, ensuite chef de l'aile jeunesse. Est-ce que la prochaine étape, c'est de devenir président de sa maternelle? J'ai eu la proposition, mais j'ai refusé l'offre. Je t'en parle, Léo. Évidemment, il y a des mauvaises langues ici, hein, on les entend déjà, qui prétendent probablement que tu reviens déjà dans l'actualité parce que t'es un peu dépendant des spotlights depuis votre petite grève étudiante. Évidemment, la question qu'on peut se poser, à force de te lancer partout, est-ce que t'as pas l'impression d'être en train de devenir la Michel Richard de la politique? Au contraire. Alors évidemment, tu peux te reposer ici quelques minutes et Jean-Philippe, je vous reviens dans quelques minutes après Fred Savard. Ah, je vous remercie beaucoup. Merci. Vous écoutez La Soirée est encore jeune sur les ondes de Ici Radio-Canada Première, une émission qui souhaite prompt rétablissement à Tonya Curso qui souffre d'une mystérieuse maladie. Ben oui, c'est vrai qu'il est malade. Un drôle de timing. Ben ouais, mais ça. Ça arrive, Fred. Mon Dieu, vous êtes cynique. Oui, alors. Permettez-moi de venir un peu à la défense du gouvernement libéral cette semaine. Enfin. Parce que, oui, à la suite du dépôt du budget, beaucoup de gens n'ont pas été tendres envers ce gouvernement. Évidemment, rien n'est parfait, mais les choses changent depuis que M. Couillard est en poste. D'abord, un libéral a été condamné, chose qui aurait été presque impossible sous Jean Charest. Tony Tomassi est donc condamné pour fraude et devra verser 11 000 $ de sa prime de départ de 122 000 $ qu'il avait reçue en quittant le navire libéral. C'est presque 10 % de sa prime qu'il verse à la communauté. Est-ce qu'un député péquiste peut se vanter d'un tel fait d'armes? Je ne pense pas. Évidemment, à la lumière de la 121e perquisition de l'UPAC dans des bureaux libéraux, bien des gens aimeraient que les journalistes commencent un peu à regarder les agissements des libéraux au lieu de s'acharner sur le Parti québécois, un parti déjà pas mal à terre, selon un reportage de fond de terrain de la presse qui nous apprenait que nos jeunes ne sont plus aussi détestables, crottés, pourris, sales et dangereux qu'à l'époque du printemps érable, depuis qu'on a appris qu'ils n'étaient plus souverainistes. C'est quand même une bonne nouvelle, puisque ça veut dire que notre jeunesse n'a pas seulement du plomb dans l'aile, elle en a aussi dans la tête et s'intéresse maintenant aux vraies affaires. Au contraire, moi je pense qu'il est sain de s'acharner ainsi sur le Parti québécois. J'en profite d'ailleurs pour rendre hommage aux têtes économiques du Parti libéral qui ont eu à pondre un budget malgré l'état lamentable des finances publiques dû à un long règne du Parti québécois qui a complètement saccagé notre économie en moins de 18 mois après 9 ans de copinage libéral. D'ailleurs, vous avez sûrement remarqué que depuis le 4 septembre 2012, quand il pleuvait, c'était de l'eau qui tombait alors qu'avant, sous le règne de Jean Charest, c'était des retombées économiques. Ouais. Et encore cette semaine... Encore cette semaine, à cause des 18 mois péquistes, c'est encore de l'eau qui tombait du ciel pendant l'orage. Un orage qui se poursuivra tant que les finances publiques ne seront pas redressées. Mais heureusement, nous pouvons compter sur une équipe économique compétente. Et pourquoi elle est compétente? Parce qu'on nous le dit. Et on nous répète qu'elle est compétente, alors elle l'est. Et j'en profite également pour saluer le travail du vérificateur général par intérim, Michel Sanson, d'avoir débusqué les mensonges péquistes et nous avoir révélé que le déficit probable aurait été de 6 milliards si les péquistes étaient encore au pouvoir. Et ce déficit de 6 milliards a été scientifiquement calculé sur la base de la reconduction de tous les programmes et de toutes les demandes des ministères qui, selon le VG, auraient reçu un oui du Trésor public. Mais les mauvaises langues diront que c'est farfelu puisqu'un président du Trésor ne dit jamais oui à toutes les demandes. Surtout pas si c'est un péquiste puisqu'on sait que le oui a toujours fait défaut à ce parti. L'histoire nous l'a bien démontré. J'aimerais également faire taire les mauvaises langues qui ont critiqué notre bon ministre des Finances d'avoir acheté des souliers de marche allemande à 279 $ pour honorer la tradition absolument ridicule que respectent tous les ministres des Finances québécois d'acheter une paire de souliers neufs au dépôt d'un budget. Une tradition sûrement issue de l'Empire britannique, un empire où le soleil et le pied d'athlète financier ne se couchent jamais. Eh bien, certaines mauvaises langues ont affirmé qu'il aurait pu acheter des souliers québécois moins chers au lieu d'acheter du soulier allemand hors de prix. Franchement, du soulier québécois. Comme quoi? Des loafers de chez Aldo? Pensez-vous que les grands de ce monde, et j'ose croire que le ministre des Finances libérales fait partie du grand monde, se promènerait en loafer? D'aucuns pourraient répliquer qu'il aurait pu acheter des bottes de cowboy boulet de Saint-Tite, qui peuvent être encore plus chères que des souliers allemands. C'est vrai que ça aurait été une belle métaphore de porter des bottes boulet alors que notre économie souffre du boulet péquiste des derniers mois. Et la botte aurait surtout été une excellente métaphore des 4 prochaines années libérales qui s'en viennent, car si la tendance se maintient, nous aurons la furieuse envie de leur botter le derrière aux prochaines élections. Bon. Ben. Je sais pas pourquoi Jean-Sébastien cherche, il y en a un péquiste. Un souverainiste dans la salle. Non. Hey, moi, je suis attaché à mon Canada. Là, mais l'affaire, c'est qu'il est plus jeune. OK, Jean-Sébastien. Eh bien oui, Jean-Philippe, donc toujours avec Léo Bureau Blue. Ouais, on parle toujours du fait que les jeunes, effectivement, n'ont rien à tirer de la souveraineté. Uh-huh. Léo, ce sondage dont on parle depuis tantôt, seulement 31% des 18-24 ans souhaitent la souveraineté. Mais évidemment, les souverainistes vous dites « Ah, mais il faut les convaincre, se relever les manches, ne pas se décourager. » Léo, c'est les jeunes, c'est juste qu'ils en veulent pas de votre maudit projet. C'est pas un espèce d'entêtement utopique, ça. C'est pas comme si, par exemple, vous vouliez que Christiane Charrette arrête de se fourrer dans le nom de ses invités, ça. Ah! Franchement! Quel manque de... Ben, c'est sûr... De manière décomplexée, si on en parle avec passion... Je suis convaincu qu'on peut convaincre les jeunes d'adhérer à ce projet-là, mais il faut le définir en fonction de nos orientations, de nos convictions. Bon. L'autre problème, évidemment, c'est que, outre la souveraineté, les jeunes de 18 à 25 ans veulent pas voter pour le PQ. Encore là, vous dites qu'il faut travailler fort pour changer la donne. Le plus simple, ça serait pas juste de remonter l'âge du vote à 25 ans, Léo? On pourrait peut-être même le baisser à 16 ans, ça permettrait de sensibiliser davantage les jeunes à la politique. Alors, si vous avez des questions pour Léo, vous le faites à la soirée à radio-canada.ca. Léo fait une petite sieste et on vous revient dans un... Merci Jean-Sébastien, notre deuxième invité. Député de Chicoutimi, il est accessoirement chef par intérim du Parti québécois. Une job que bien peu de jeunes prendraient selon la presse. Accueillons M. Stéphane Ménard! Hey! Monsieur Ménard! Hey! Vous connaissez Mme Charrette? Très bien. Ben, oui, ben, je l'ai connue, mais je l'écoute souvent. Effectivement. Oui. Très gentil. On est nés à peu près la même date et la même année. Pardon? On est nés à peu près la même date et la même année. Moi, j'ai 46 ans. Je pense qu'elle doit être autour de ça, évidemment. Non. 40. Oh. Je t'ai battu. Hein? Moi, je suis pas lié avec les femmes. Oh boy, faut avoir du fun comme on peut. Dans ta grande séducteur. Quand on est chef du PQ, on a du fun comme on peut. OK, bon, on va parler de vraies affaires. J'aimerais être animateur. On est... surtout en différé, je te vois. Oui, non, mais non, mais en différé, ça aide pour corriger tes problèmes. Moi, je suis toujours en direct, effectivement, c'est dur. Ça, c'est le gros problème. Moi, je pense que tu devrais être le meilleur animateur. Tu ne devrais pas aller en direct parce que là, tu es le meilleur animateur en différé. Ouais, je sais. Et là, tu vas perdre ton titre. Ouais. La dernière fois que vous étiez venu, vous étiez ministre et là, vous êtes rendu chef du PQ. C'est une montée fulgurante. Ça c'est vrai que c'est une montée qui n'était pas prévue. Non, c'était pas inscrit dans mon plan de carrière. Non. Donc, voilà, très content. D'autres questions, ouais? Plusieurs questions. J'imagine. Parce qu'on a quand même un bon 10 minutes, là. Il y a 16% des jeunes de 18 à 24 ans qui sont prêts à voter au PQ. Ça, c'est pas des super bonnes nouvelles. Qu'on le veuille ou non, on le sait qu'il y a du travail à faire. On le sait que les dernières élections ont été difficiles. Mais là, attendez un peu. Là. 16% des jeunes de 18 à 24 ans qui sont prêts. Hey, ça, c'est pas facile, là. Oh, ben écoute, dis-toi qu'on sort un peu d'une campagne qui a été difficile. Oui, donc, non, ça, oui. On se le cachera pas. Donc, c'est sûr que je m'attends pas à ce qu'on soit hyper populaire non, actuellement. Mais c'est comme si tu avais des mauvaises cotes d'écoute à un moment donné, puis on ferait des sondages toujours. Non, ben, dans les faits, écoute, on va se donner le temps. On a 4 ans. Ça, on sait qu'il n'y aura pas d'élection avant 4 ans et demi. Ouais. Donc, on devrait être bon. Moi, je suis convaincu d'aller convaincre le monde. De toute façon, la chance qu'on a, les 18 à 24, ils vont vieillir dans 4 ans. Donc, les prochains 18 à 24, je suis convaincu qu'on va être meilleurs. OK, mais attendez un peu, là. Je veux dire, il y a trop personne... Trop compliqué, je recommence à l'envers, non? Non, c'est pas trop compliqué. C'est que là, je suis en train de me dire... En fait, j'ai peur pour vous. Parce que je me dis, s'il y a personne au PQ qui a levé le flag, là, qui s'est dit comme, attendez un peu, là, ça va pas bien. Ça doit être la presse, là. Je veux dire, ça va pas bien quand même. non, mais c'est vrai. Je veux dire, tu sois un sondage, je peux pas dire comme, OK, non, ça va bien aller dans 4 ans. Non, mais j'aimerais... Ouais, t'as raison, mais j'aimerais ça que la presse aussi pose des questions du type, aimez-vous le Canada? Est-ce que vous êtes d'accord avec Stephen Harper? Est-ce que vous pensez que la reine est la solution à tous les maux du Québec? Oui, mais attendez un peu, là. On serait étonné des sondages, je suis convaincu. Et j'ai hâte de voir Stephen Harper venir ici à ton émission et discuter avec toi. Ça nous donnerait tellement une belle impression de notre Québec. On les invite. Peut-être que nos sondages augmenteraient. Vous avez dit au droit, M. Bédard, on sait qu'il y a un problème, hein, au journal Le Droit. On sait qu'il y a un problème. On récolte les fruits de ce qu'on n'a pas fait pendant des années. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? OK. Ben, c'est vous qui avez dit ça. Au journal Le Droit? Oui. Oui. Okay, voulez-vous que je rappelle le journaliste? Non, finalement, peut-être qu'on va chercher ce qu'il y a eu un problème. Non, ben, non. Écoute, mettons que je l'aurais dit. Ouais. Okay? Mettons que ça serait moi qui aurais dit ça. Ouais. Et là, il faudrait que je trouve une réponse. Ouais. Ouais. Je te dirais que j'aurais pas dû dire ça, je pense. Ouais. Hey, là, c'est facile, parce que moi, j'étais un petit funé. Hein. Vous savez que Christiane Charrette à côté n'est pas nécessairement aussi gentille que moi. Je sais. Alors, supposons que je dirais à Christiane... Mais elle est beaucoup plus belle, par contre. Continuez, Christiane, avec Stéphane. Qu'est-ce que vous lui demanderiez à Stéphane? Mais je ne l'ai pas trouvé convaincant dans cette dernière réponse par rapport à la campagne. Moi non plus. Au mot référendum. Là-dessus, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai trouvé amusant depuis le début. Oui, tout à fait. Non, vraiment formidable. Il prend les devants aussi pour un animateur. C'est un challenge parce que vous conduisez pas mal l'auto. Ouais. Vous êtes dynamique, sympa, drôle, riez de vous-même. Mais là-dessus, je vous ai trouvé vraiment pas convaincant. Ah. Vraiment pas. Puis en plus, c'est-tu vraiment cette affaire-là de référendum, puis on va faire un petit pays là, qui vraiment a nuit au PQ tant que ça. Il y a des choses qui ont l'air malsaines aussi quand on regarde vraiment. Il y a des gens qu'on voit partout qui se mettent là, on a l'impression qu'ils attendent juste de prendre la place des autres. Il y a toutes sortes d'images qui passent, toutes sortes de choses dans le non-dit, toutes sortes de choses qui ont dérangé. Alors, en même temps, on sent que le PQ contrôle le discours de la critique, fait son autocritique à son goût. Ouais. Ça aussi. Alors là, je me dis, ça va encore plus mal. Écoute, je pense que je suis dû pour passer à son émission. Mais d'ailleurs, j'aimerais à son émission être invité en même temps que Bernard Landry. Et là, on essaierait de vous convaincre de faire le pays. Un retour de Bernard dans votre émission. Pas, mais on devrait faire ça. Mais comme Christiane disait, vous êtes très bon pour contourner la question. Pas du tout. Non, c'est que ta question sur le droit, moi, je suis convaincu que c'est pas moi. Ah, okay. Mais peut-être que c'est moi. Mais vous savez, j'ose pas attaquer les recherchistes. J'en ai beaucoup, effectivement. Des employés maintenant, donc je vais faire attention. Ils peuvent faire des erreurs, ils sont pas tout le temps en tête. Ce que Christiane avançait, c'est très vrai. On a l'impression que l'autocritique, vous contrôlez un peu le discours là-dessus, puis on l'a dit, je sais que Fred est bien tanné que le monde critique le PQ. Non, je suis pas tanné. Non, c'est le faire. Moi, j'ai le goût des fois, honnêtement. Mais il y a quelque chose qui se passe là. Il faut que quelqu'un en parle pour vrai. Est-ce qu'à l'intérieur du parti, ça jante? Exactement. Mais ça, c'est une bonne question. Ce que je veux pas, regarde Jean-Philippe, l'élection, c'était le 7 avril. Ouais. Elle est terminée. Alors, à partir de là, tu te relèves, tu recommences. Nous, on porte un rêve, on porte, je pense, quelque chose de porteur pour la jeunesse. Et je pense qu'actuellement, effectivement, il y a un problème pour percer ce mur-là. Comment on va le faire? Bon, on va se donner des objectifs ensemble. Mais c'est sûr qu'après une campagne comme ça, si je fais toujours l'analyse, pourquoi ça a mal été? Pourquoi on est ici? En quoi on va donner le goût de s'impliquer en politique? Puis après ça, de voter puis de se dire, oui, moi aussi, j'ai le goût de faire un pays. Alors, tout d'abord, on a un problème clair, c'est que la classe politique a perdu de la crédibilité. Fait que ce qu'on s'est donné comme objectif, c'est de s'en redonner. Vous avez vu, j'étais porteur d'un ton supposément très dur. Je l'ai été parce que, j'ai dénoncé les actions du gouvernement à l'époque, puis dans les faits, j'avais pas vraiment tort avec ce qu'on a vu. Mais il reste quand même que quand on attaque, il y a des conséquences pour toute la classe politique. Puis qui porte ce rêve-là, c'est beaucoup des gens qui sont élus, évidemment. Il y en a d'autres un peu partout dans la société. Donc, notre premier objectif, c'est rétablir cette crédibilité-là. Et à l'intérieur, on va le redéfinir, ce rêve-là. Parce qu'après ça, les gens te posent des questions bien prosaïques, du type, c'est quoi que ça mange en hiver, la souveraineté? Ouais. Qu'est-ce que ça va me donner? Alors, il faut être capable de coller le discours à la réalité des gens. Et ça, on l'a perdu un peu, je te le cache pas. Donc, notre objectif, c'est de se rebâtir un beau discours commun pour que les gens aient comme moi le goût. Puis pourtant, je ne suis pas si vieux que ça. Je suis à peine plus vieux que toi. Mais non, je sais. Et qu'ils aient le goût comme moi de faire un pays, puis qu'ils se sentent capables comme moi, puis qu'ils ont confiance dans leurs semblables, puis qu'ils disent que le pays du Québec, il serait différent du Canada. Je ne sais pas s'il serait meilleur, mais je suis convaincu qu'il serait différent. On a reçu Alexandre Cloutier il y a une couple de semaines. Qui, beau bonhomme. Presque aussi beau que toi, d'ailleurs. Non, pas pousser quand même. Mais c'est ce que je partais pour dire. Mais il était convaincant, Alexandre Cloutier, et on discutait avec lui de la possibilité qu'il devienne chef du PQ, en fait, qu'il se présente à la chefferie. On a le chef par intérim, là. Ça veut dire qu'il ne se présentera pas à la chefferie du PQ. Exact. Qui est le plus susceptible de prendre cette place-là? Parce que c'est des méchants souliers à chaussée, cette affaire-là. Est-ce que ceux qui étaient là devant le public le soir du 4 avril, 4 ou 7, tu t'es vu? 7. 7. Ouais. Okay. Ouais, OK. 7 avril, est-ce que ce sont ces trois-là qui vont probablement se présenter? Parce qu'on... Je pense que déjà, ce soir-là, disons que ça a calmé la course. Ça a eu un beau côté. C'est qu'on leur a demandé de le faire. Le fait de le demander n'était peut-être pas la meilleure idée. Ouais. Et le fait pour eux d'avoir été en pleine TV nationale n'était pas nécessairement la bonne chose. Donc, ça a calmé tout le monde. Mais là, il y a plein de prétendants. Puis là, ça va être quand? Puis des gens... Moi, j'ai entendu des noms, Véronique Yvon. Oui. Pierre-Carl Péladeau, Alexandre Cloutier. Hey, vous avez vu ce que Sylvain ça fait, Godot, hein, Jean-François Lisée. Les désirs de la chefferie au PQ, ça. Non, mais c'est formidable. Alors, on nous dit, hey, c'est un parti moribond. Pierre-Carl le pays. Et on a des belles candidatures, honnêtement. C'est un beau, une belle brochette. Puis on va peut-être en avoir d'autres de l'extérieur. De l'extérieur? Bon, on ne sait pas, regarde. C'est, alors, c'est quand, là? Ben là, hey, qu'il faut finir cette entrevue-là. Ouais, mais pour un parti moribond, là, on a des belles candidatures. Ben oui, mais entre vous autres, Ben mais oui, je veux dire. C'est vrai qu'on devrait demander à Stephen Harper de venir se présenter. Il n'y a pas juste lui, là. On pourrait demander à Denis Coderre. Ben moi, Denis, le nouveau chef des souverainistes du Québec. Excusez-moi, la ville de Montréal, ça va très bien. Hein? Ça va super bien. Bon, voilà. Bon, okay, okay. Ben avec le Grand Prix, c'est sûr. Hein? Ah ouais. Ben, si vous restez, on est plein de retombées. D'ailleurs, je me sens fargé dedans. Là, bon, on finit ça là-dessus. Ben, merci beaucoup, M. Bédard. Vous restez avec nous, hein, toujours? Non, je m'en vais à Drummondville. Ben oui. Ah oui. Ah, ben, je pense qu'il y a hâte d'y être aussi. Honnêtement, je reste avec vous autres. Ben, restez un petit peu, là. On va écouter la prochaine chronique? Oui. Puisque la radio Jambon n'est jamais en déficit, dis-y aussi, ces chroniques ne souffrent jamais d'austérité. Voici le billet d'Olivier Niquette! Eh bien, c'était semaine de sondage radio et le chroniqueur du Journal de Québec, Jeff Racine, écrivait que selon lui, Radio X Québec a une émission de trop et c'est celle de Robbie Moreau. Si vous ne connaissez pas Robbie Moreau, il se décrit sur le site de la station comme un vrai X de 44 ans, père de famille surtaxé et imposé. Ah, ça dit tout quand même. Bref, Robbie trouve que Jeff Racine, là, il se pense un petit peu trop bon. Parce que Racine n'a pas la vérité de la palisse. Et moi, je n'ai pas la science infuse, mais c'est assurément une lapalissade que de dire que Robbie Moreau ne sait pas ce qu'est une vérité de la palisse. D'autre part, cette semaine, les États-Unis ont orchestré un échange de prisonniers, un soldat américain contre 5 talibans et un choix de troisième ronde. Est-ce que ce sera dangereux pour les soldats américains qui seront faits prisonniers? Oui, croit Sylvain Bouchard de Cogeco, mais pas juste pour les soldats. Moi, je trouve ça dangereux même pour toute l'industrie du kidnapping. Le gouvernement encourage indirectement l'industrie du kidnapping en lui donnant raison. Et en plus, quand on y pense, là, l'industrie du kidnapping, là, c'est une industrie subventionnée. Je comprends Sylvain Bouchard de capoter. Quant à l'industrie du ridicule, elle se porte à merveille. Autre scandale cette semaine, la publicité du magazine Summum qui va comme suit. On retouche nos photos parce que vous voyez déjà assez de cellulite et de vergeture dans une journée. C'est une petite blague que certains n'ont pas trouvé drôle, ce qui n'est pas le cas d'Éric Duhaime. Moi, quand j'achète des magazines de décoration intérieure, je m'attends pas à ce qu'ils montrent une roulotte décorée avec un décor des années 80 brunlette. Là. Pas ton appartement non plus, tu veux voir. J'achète, je veux voir ce qui est le plus beau, même si j'ai pas les moyens de me le payer, même si ça me fait rêver. C'est pour ça que j'achète le magazine. C'est la même affaire pour le corps des hommes puis des femmes dans les magazines. Ouais. Bon, une roulotte brune, une roulotte brune, c'est peut-être pas une charrue, mais c'est quand même pousser le concept de femme-objet assez loin. D'autre part, coup de tonnerre à Québec, alors qu'une étude nous apprenait que la congestion routière y serait pire qu'à Montréal. Et être pire que Montréal, c'est l'insulte suprême, pardon, pour un animateur de radio de la capitale comme Jérôme Landry, qui croit qu'on devrait s'inspirer des Américains parce qu'ils l'ont l'affaire. J'arrive de Los Angeles, OK? Il y a une raison pourquoi le trafic va bien à Los Angeles. Oui, oui, le trafic va bien à Los Angeles, en passant. Et c'est la largeur des autoroutes. Pas compliqué. C'est pas très compliqué. Puis il n'y a pas de piste cyclable puis de voie réservée qui empiète sur les automobilistes pour enlever de la place aux automobilistes. Il y a de la place, point final, sur les autoroutes et sur les boulevards urbains. Il n'y a pas d'autre solution miracle que ça, là. C'est ça le succès du transport à L.A. Là. Ah oui, le trafic va bien à L.A., hein? Oui, oui, le trafic va bien à Los Angeles, en passant. OK. Mais en passant, plutôt que d'aller à L.A., Jérôme aurait peut-être dû aller sur l'Internet pour constater que selon la même étude et selon aussi le magazine gauchiste Forbes, Los Angeles, ben, c'est la ville la plus congestionnée aux États-Unis. Et Montréal, avec ses voies réservées puis ses pistes cyclables, ben, c'est la ville d'Amérique qui a le plus réduit sa congestion routière. Reste que l'asphalte. Presque l'asphalte, c'est un peu le rêve américain. Et ceux qui ont d'autres rêves, ben qu'ils aillent le vivre ailleurs, nous dit Denis Gravel. Je commence à avoir hâte qu'on pense un peu à nos enfants une fois de temps en temps. Là. Puis nos enfants, ils vont prendre des chars pour se rendre à la job. C'est beau de rêver à un monde meilleur, là, mais la première navette qui partira pour la Lune, là, vous irez le bâtir là-bas, votre monde meilleur. On est pogné avec ce qu'on a ici. Là. Un petit pas pour l'homme et un grand pas en arrière pour l'humanité. Terminons avec Rénald Duberger, le climato-sceptique de service des radios d'opinion, qui continue sa tournée auprès des jeunes dans les écoles afin qu'ils s'ouvrent à se fermer aux 97 % de scientifiques qui croient au réchauffement. Ce sont des éponges. Ils sont pleins de trous qui veulent absorber tout ce que tu leur racontes en autant que tu sois intéressant. Mais ce qui est triste, c'est qu'au fur et à mesure qu'ils vieillissent, ces trous-là se bouchent. Eh oui, mais heureusement, Rénal, il sait comment déboucher ça, un trou. J'ai jamais vu aucun être humain dans lequel il ne restait pas quelques trous. Et il suffit de repérer ces trous-là, y pénétrer avec douceur, lentement, sans brusquerie, pour pouvoir pas les convaincre d'une thèse ou quelque chose, mais les renseigner, développer chez eux l'esprit critique. En tout cas, moi, Rénal Duberger, qui pénètre les trous de nos jeunes, ça me donne un petit peu le goût d'aller vivre sur la Lune. La sagesse populaire dit « Qui aime bien, châtie bien ». C'est pourquoi on a préparé une petite parodie d'une promo d'une émission de la maison. On écoute. Ici Boucan Diouf. Je vous donne rendez-vous à ma toute nouvelle émission estivale, La nature dans la boucane. Enregistrée au parc La Fontaine, avec des bruits d'oiseaux et des itinérants, je vous explique la vie humaine à l'aide de métaphores simili-cute sur les plantes, les insectes et la palourde royale. Venez entendre nos chroniqueurs hétéroclites, nos invités parfois connus, et applaudir avec des personnes âgées qui adorent les jeux de mots et qui rient à coup sûr de mes habituelles comparaisons sur l'accent québécois. Comme disait mon grand-père, les accommodements raisonnables, c'est comme le beurre de peanut. Celui avec les morceaux, c'est parfois plus dur à faire passer. Le bronzé fait de la radio. Les vendredis 19h sur... Hey, c'est pas ça partout. C'est la nature dans la boucane. Les samedis à 11h. Anyway, personne n'écoute la radio l'été. Sur ici, Radio-Canada Première. Ouais, faudrait signer nos contrats, ça presse. Hein? Ouais, on va se dépêcher. OK. On va aller parler à Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien. Ah, Jean-Philippe, beaucoup de courriels ici pour Léo Bureau Blue. Ouais, bien c'est bien sûr. Alors, je commence avec le premier. Bonjour Léo, n'écoute pas tes détracteurs. T'es le meilleur pour diriger les jeunes. T'es le plus grand représentant qui soit. Nous sommes fiers de toi et nous pensons que tu vas parvenir à faire renaître le rêve de la souveraineté. Go, go, go, Léo, commande, Léo, commande, commande, commande, commande, commande, Léo. Et c'est signé le Cercle des fermières des résidences Soleil de Rosemère. C'est sûr qu'on a un grand défi. Et je peux sortir des résidences Soleil puis aller dans les cégeps, dans les universités, pour être capable de convaincre les gens d'adhérer à notre projet. Bon. Un deuxième courriel qui vient à quelqu'un qui vous écrit souvent quand vous venez ici, un message qui nous vient d'un Gabriel N. Dubois. Léo, je suis très déçu de toi. Tu te fais du capital avec la notoriété que tu as gagnée grâce au conflit étudiant. Tu es un sale profiteur. PS, je vous invite à ne pas rater la sortie de mon deuxième livre, Les 12 ouvrages que je suis passé. Mes deux débats hebdomadaires assez pas trop tôt et mon débat littéraire ce soir avec Alain Farah à l'USC à 19h. Et un dernier courriel. Léo, tu as accepté à 4 reprises de venir répondre à mes questions niaiseuses. On peut te reprocher beaucoup de choses, mais pas ton manque d'humour et d'autodérision. Si j'étais un gros quétaine, je te remettrais une carte chouchou avec un jeu de mots de marde. Mais je vais me contenter de te dire merci d'avoir été mon running gag au cours de ces 2 années. Et c'est signé J.S. Girard. C'est un grand plaisir d'égayer ton émission. Puis j'espère que ça va te permettre de garder ton poste la saison prochaine. Merci beaucoup, Léo. Tu peux bientôt rentrer au foyer. Le transport adapté s'en vient dans quelques minutes. Merci, Léo. Merci, Jean-Sébastien. Merci. Fred, notre dernier chroniqueur. Notre correspondant parlementaire nous prouve cette semaine que nous n'apprenons jamais collectivement de nos erreurs. Voici la chronique de Jean-Philippe Cipriani. Hey! Yeah! Bonsoir, Jean-Philippe. Allô, comment ça va? C'est quoi cette voix-là de m'énervant? C'est parce que je viens d'entrer dans une période d'austérité. Donc ma chronique va faire preuve de rigueur. Je serai économe, responsable, discipliné. Et comme chaque fois que ça a été promis dans les dernières années, ben ça marchera pas! Parce qu'on n'apprend pas, Vautier. On n'apprend pas, le vérificateur général l'a dit, hein, on n'apprend pas 10 ans de comptabilité créative. Et pourquoi? C'est simple. Parce qu'on promet toujours de gérer comme un bon père de famille. Or, ça fait quoi un père de famille au Québec? Hein? C'est frugal peut-être? Non, non. Ça dépense toute sa carte de crédit. Ça amène ses enfants chez McDo brocher la paix quand c'est pas Disney World. Ça laisse son ado conduire son char. Ça peut un jobber au noir pour faire ses rénos pas chers. Puis ça, c'est quand il est pas abonné au summum ou qu'il regarde pas de porn ou qu'il crie pas comme un primate quand un Canadien gagne ou quand ça quitte pas sa femme pour une fille plus jeune. Père manquant, fils manqué, ça vous dit quelque chose, ça? Fait que pourquoi on est dans le rouge? Parce qu'on s'entête à vouloir gérer comme un père de famille. On n'apprend pas. Oui, oui, je sais. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par on n'apprend pas, là? Je veux dire, à un moment donné. Exemple, des 5 pétitions sur le site de l'Assemblée nationale en ce moment, la 3e la plus signée, et c'est vrai, c'est pour réclamer une loi encadrant le travail des éleveurs de chats en milieu familial. Ouais, j'espère. On n'apprend pas l'ambition. Faut régler ça, là. On prend la solution cheap pour le pont Champlain il y a 50 ans et tombe en morceaux. On choisit la solution cheap pour les autobus. On n'apprend pas. Christine Saint-Pierre envoie chier un adversaire. Qu'est-ce qu'a fait Julie Boulet? La même affaire avec son doigt. On n'apprend pas, Vautier. Ouais, ouais, ouais. Claude Blanchette est soupçonné de deal. Il s'en va dealer une Ferrari rouge. On n'apprend pas. Léo Bureau-Blouin, président d'une aile jeunesse. On n'apprend pas. Nathalie Normando. On n'apprend pas. Je veux dire, au fédéral, Peter McKay, là, il a traité les clients des prostituées de pervers. Bon, il savait pas exactement ce que c'était. Il a vu le mot « vert » puis il a dit « faut être contre ça ouais. ». Mais t'as beau appeler ça le modèle suédois, là, qui, si je comprends bien, se résume à commander une prostituée en pièces détachées puis l'assembler chez vous. Là. Ils vont quand même pas interdire une industrie qui les inspire depuis des années dans leur relation avec les sables bitumineux. Là. On n'apprend pas, tu sais. Ouais, mais il y a quand même une nouvelle génération là, avec Jean-Sébastien, vous l'avez entendu, là, la troll de jeunes policiers. Oh, comme on. Hein? C'est de l'anglais. C'est de l'anglais. Okay, non, mais ils ont compris quelque chose, vous pensez? Ils sont issus de la réforme scolaire. D'abord, eux autres, ils apprennent plus. Hein? Ben non. Mais, et que font les souverainistes quand un sondage dit que la souveraineté, ça pogne pas? Est-ce qu'ils se crachent dans les mains puis recommencent, comme disait Jacques Parizeau? Non, non. D'un coup, que ça pourrait donner quelque chose. Non, non. Ils critiquent le sondage. Hein? C'est vrai. Il a fait ça, M. Bédard, tantôt. Délicieux. Non, non, mais attends. Le délicieux communiqué de la Société Saint-Jean-Baptiste. Le président, ça commence comme suit. Le président, c'est son nom, Maxime Laporte, qualifie de boiteux, d'arbitraire et de précipité le jugement posé par la presse sur l'ensemble de la génération Y. Il y a des arbres qui sont morts pour ce communiqué-là. Là. Il poursuit en disant les sondages, quand ils sont non probabilistes et menés auprès de seulement 500 personnes sur Internet, nous en apprennent peu sur leur sensibilité. 500 personnes, là, c'est 5 fois plus que la guerre des clans, Vautier. Puis c'est vrai que les sondages ne sont pas fiables. Regardez lors de la dernière élection, hein, les sondages prédisaient une défaite cuisante du PQ. Or, elle a été catastrophique. C'est pas pareil. Je la voyais venir. Dernier extrait. Ouais. Il est faux, archi-faux, de dire que les jeunes ont renoncé au projet d'indépendance. Par contre, il est plus exact d'affirmer que les jeunes n'ont pas encore suffisamment été éclairés sur ces enjeux. Ah. C'est pas qu'ils sont plus souverainistes, c'est juste qu'ils n'ont pas compris s'il faut voter oui, s'il faut voter non pour leur attachement avec la Russie. T'sais. On comprend pas. Ah, merci beaucoup, Jean-Philippe. On comprend beaucoup mieux maintenant. Et on comprend qu'il faut rester à l'écoute parce que c'est déjà terminé dans quelques minutes. C'est la bibliothèque de René. Merci à toute l'équipe. Marie-Hélène Rescaut sur le côté. Jean Gagnon, un grand merci. Un grand merci. Et un grand merci à nos invités de ce soir. Christiane, qu'on écoute dimanche à 9h. Oui. 125 Marianne. 125 Marianne. À Télé-Québec. Ouais. Ah oui, c'est bien important, ça. C'est quel numéro sur la TV? Ça n'est pas où t'es, 8. C'est au UHF. Ouais. Dans l'ancien UHF, il faut changer notre bloc de bord. OK, parfait. Merci beaucoup. Stéphane Bédard, bonne chefferie par intérim. Oui, et ça dure Drummondville en fin de semaine, moi. Ah bien, on va être là, c'est sûr. Merci. On va venir voir. Mais ça se termine quand, ça, la chefferie par intérim? Bonne question. Ça va dépendre des militants du Parti québécois. Eh hey, mon Dieu! Hey, vous en reste encore pour appeler ça au pluriel. On a des bonnes nouvelles. OK! Merci on est beaucoup. Seulement 90 000. Tu sais. Ah! Mon Dieu! Ouais. Ça va pas si mal que ça. Hey, je peux pas croire qu'on a dit des mauvaises choses sur le PQ pendant toute la soirée alors que ça va si bien que ça. Franchement! Eh ben, si vous voulez nous réécouter, vous allez sur iTunes. Notre balado est disponible. Vous venez à l'enregistrement. C'est les vendredis à 16h. La semaine prochaine, nos invités Luc Ferrandez et Anne-Elisabeth Bossé. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée. Qui est encore jeune?